Chapitre 24e. Monsieur Irubéry de Cap-Verne avait cru qu'il intimiderait facilement le juge de paix de Gervas, et qu'avec quelques paroles sévères, un coup d'œil menaçant, il l'amènerait tremblant et soumis à ses pieds. Il fut surpris, et même jusqu'à un certain point déconcerté, de voir ce vieux bonhomme si peu troublé. Un esprit moins sûr de soi-même et moins convaincu de l'excellence des moyens qu'il employait, se fut dit que l'intimidation n'était peut-être pas efficace sur M. Hasimbert. Mais une pareille idée ne pouvait pas naître si facilement dans la tête du procureur général, qu'un juge de paix ne trembla pas devant lui quand il fronçait le sourcil. Allons donc, c'était invraisemblable. Il avait été trop mou, sans doute. Pour réduire ce vieux révolté, il n'y avait qu'à forcer la note. « Monsieur le juge de paix, écoutez-moi, dit-il, et veuillez me comprendre, car je crois que vous ne sentez pas toute l'étendue de votre faute. Si j'ai commis une faute, c'est à M. Denis seul que j'en dois compte. Vous vous trompez, monsieur, et c'est là chez vous une étrange aberration du sens moral. De votre faute envers M. Denis, je veux bien ne pas m'occuper en ce moment. J'en aurais trop long à dire, mais je dois vous réprimander de celle dont vous vous êtes rendu coupable envers le gouvernement de l'empereur. Ma foi, dit M. Hasimbert avec simplicité, je vous serai reconnaissant de m'éclairer, car je ne vois pas du tout ce que le gouvernement et l'empereur viennent demander à ma petite fille, qui, je vous en donne ma parole, est complètement étrangère à la politique. Trêve de plaisanterie! Elles sont fort déplacées dans un pareil sujet, et vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Votre petite fille doit épouser M. le vicomte de Saint-Ostrebert, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. M. le vicomte de Saint-Ostrebert désire épouser ma petite fille. M. Denis consent à ce mariage et ma petite fille s'y refuse. Voilà la vérité. Enfin, il y a un projet de mariage entre M. le vicomte de Saint-Ostrebert et votre petite fille. Cette jeune personne, qui paraît singulièrement élevée, ne veut pas de ce mari. Il s'enfuit de la maison paternelle, elle se réfugie chez vous et vous l'encouragez dans sa résistance. C'est là ce que j'appelle une affaire de famille. Et moi, monsieur, c'est ce que j'appelle une affaire politique. Vous savez très bien par quelles attaches M. de Saint-Ostrebert tient au gouvernement. Le gouvernement désire son mariage avec votre petite-fille. Vous vous opposez à ce mariage, vous faites donc opposition au gouvernement. J'avoue que je ne me serais jamais douté que le gouvernement s'occupait de pareilles choses. Par cela seul qu'il passe par la tête d'un courtisan, ou plutôt du fils d'un courtisan, Monsieur le général de Saint-Ostrebert n'est point un courtisan. C'est un général qui a rendu les plus grands services au pays dans des circonstances décisives. C'est un ami fidèle, un conseiller sûr. Qu'il soit tout cela, peu importe. Je dis que par cela seul, qu'il passe par la tête d'un ami du gouvernement d'épouser une fille riche, cela ne fait pas que ce mariage devienne une affaire politique. Et quand le rival qu'on lui oppose est un orléaniste déclaré, un ennemi mortel de la dynastie qui n'attend qu'une occasion pour lever le drapeau de la révolte et qui compte faire servir la fortune de sa femme à ses desseins coupables, croyez-vous que cela soit de la politique? Croyez-vous qu'un gouvernement prévoyant n'a pas mille fois raison de s'opposer à une pareille intrigue? Ce sont les prétentions de M. R.M. qui rendent celles de M. de Saint-Ostrebert respectables pour les amis du gouvernement. Je trouve étrange que vous ne l'ayez pas compris ainsi, et je vous trouve coupable que vous n'ayez pas usé de l'influence que vous avez sur votre petite fille pour appuyer M. de Saint-Ostrebert et combattre M. R.M. Vous avez manqué à votre devoir, monsieur. Vous parlez de devoir à propos de cette spéculation, s'écria M. Hasimbert. Mais le procureur général ne lui laissa pas prendre la parole. Du haut de son siège, il avait contenu de plus dangereux interrupteurs que le vieux juge de paix de Gabas. Il le domina du geste et de la voix. Puis, lui ayant imposé silence, il continua. Vous êtes fonctionnaire, n'est-ce pas? Vous avez prêté serment de fidélité au gouvernement. Qui devait vous servir? Le gouvernement ou ses ennemis? Qui avez-vous servi dans cette affaire? Vous voyez donc que je n'ai que trop raison quand je vous dis que vous avez manqué à votre devoir professionnel, à la loyauté, à la fidélité de votre serment. Un pareil scandale est intolérable. Il doit cesser et vous n'avez qu'une chose à faire pour en effacer le souvenir honteux. « Décidez-vous, monsieur, et dites qui vous voulez servir désormais, le gouvernement ou ses ennemis. Réfléchissez. Vos paroles peuvent avoir un résultat fâcheux pour vous. »« Il n'est pas besoin de réflexion, » répliqua M. Hasimbert, pouvant enfin parler. « Ce serait déshonorer ma vieillesse que de servir le gouvernement dans des conditions si honteuses. Prenez garde, monsieur le juge de paix. »« À quoi, monsieur le procureur général? La crainte n'a jamais fermé ma bouche. L'intérêt n'a jamais pesé sur mes sentiments. » Je suis à 75 ans, ce que j'ai été toute ma vie. C'est votre révocation que vous prononcez vous-même. Je m'en ferai honneur. Plus d'une fois, J'ai voulu donner ma démission, après le 2 décembre d'abord, sous le coup de l'indignation, puis plus tard. Vous ne l'avez pas donné. C'est vrai. Et je n'ai pas été retenu, comme vous pourriez le croire, par la paille irrésistible des 1440 francs de traitement que me donnait votre gouvernement, mais par la considération que je pouvais rendre des services dans ce canton, où je suis depuis 45 ans. Vous vous êtes sacrifié au bien de tous. Oui, monsieur, c'est ridicule que la chose puisse vous paraître, mais aujourd'hui, le sacrifice serait trop grand. La mesure est pleine, d'ailleurs. Monsieur le procureur général, je vous salue. Sur ce mot, il se leva. Mais M. Irubéry de Caverne le maintint du geste. Arrêtez, monsieur le juge de paix, dit-il vivement, arrêtez. Décidément, l'intimidation ne valait rien avec M. Hazembert. Il fallait le reconnaître. C'était un des mérites du procureur général de ne pas s'obstiner dans son erreur. Tous les moyens lui étaient bons quand il voulait réussir, et si celui qu'il avait adopté tout d'abord ne donnait pas de bons résultats, il se hâtait d'en prendre un autre diamétralement opposé. Or, dans le cas présent, il voulait réussir à tout prix, car il considérait que s'il pouvait rendre M. Hazembert favorable au mariage de Sainte Austroberte, ce serait un bon office qui lui serait largement payé. Il recourut donc à sa tactique ordinaire. « Monsieur le juge de paix, asseyez-vous et causons, je vous prie. Il ne faut pas que dans un mouvement d'emportement, nous nous laissions entraîner plus loin qu'il ne convient, et que nous nous préparions ainsi, tous deux, à des regrets irréparables. Il ne faut pas que nous nous séparions à la suite d'un coup de tête. J'ai pour vous beaucoup de considération, de l'estime, du respect. Je sais que vous êtes un des meilleurs juges de paix du ressort, et quand j'ai dit tout à l'heure que pour rendre service à vos justiciables, vous vous étiez sacrifié au bien de tous, j'ai parlé avec une entière sincérité. C'est l'ardeur de la discussion qui vous a fait voir de l'ironie dans des paroles d'une bonne foi absolue. Je sais que vos opinions ne sont pas les nôtres, mais toutes les opinions sont respectables quand elles savent s'enfermer dans les limites de la modération et reconnaître les lois qui sont au-dessus d'elles. M. Irubéry de Caverne eût pu continuer longtemps ainsi à enfiler des phrases de palais. M. Hazembert ne l'écoutait pas. Interdit, stupéfié, il se demandait ce que signifiait ce brusque changement. « Je n'accepte donc pas votre démission, » continua M. Irubéry de Caverne. « Au moins, je ne l'accepte pas en ce moment. Quand vous aurez réfléchi, pesé le pour et le contre, vous vous prononcerez à nouveau. Mais je ne veux pas que ce soit ici, je veux que ce soit dans votre canton, au milieu de vos souvenirs, au milieu du bien que vous faites. En même temps, je vous demande aussi de réfléchir à une autre chose qui a une importance très grande. Je veux parler du mariage de votre petite-fille. » Ce mot fixa les hésitations de M. Hazembert. Il comprit où le procureur général voulait en arriver. Ses premières paroles étaient une amorce. « Ce mariage, continua M. Irubéry de Caverne, présente des avantages considérables pour votre famille dans le présent et dans l'avenir. Influencé par votre petite-fille, vous n'avez vu qu'une chose dans ce mariage, c'est qu'il ne plaît point à Mademoiselle Denis, et par là vous lui avez été hostile. C'est bien assez, il me semble. Sans doute. Et en me plaçant à votre point de vue, je comprends parfaitement le sentiment auquel vous avez obéi. Quoi de plus naturel, de plus légitime, que d'écouter la voix d'une enfant qu'on aime. Et je sais que vous aimez tendrement votre petite-fille. Mais il y a d'autres considérations à observer dans ce mariage. La voix de l'affection n'est pas la seule à laquelle nous devions ouvrir notre oreille. Il y a aussi celle de l'intérêt, qu'un père de famille doit entendre. Or, l'intérêt vous commande d'accepter la proposition de M. de Saint-Austroberte. C'est ce qu'a parfaitement compris M. Denis, qui n'est pas un mauvais père et qui, de plus, est un homme d'un esprit sagace et sûr. Mon gendre et moi, nous ne nous sommes jamais déterminés par les mêmes considérations. Oui, je sais. Mais on peut dire que, dans l'espèce, M. Denis, mieux éclairé que vous, s'est déterminé par des raisons plus solides que celles de sa fille qui sont les vôtres. Il a vu l'intérêt qu'il y avait à faire ce mariage et il l'a accepté. Considérez, monsieur le juge de paix, que M. le vicomte de Saint-Austroberte est un des hommes les plus remarquables de la jeune génération, celle qui donne remplacer dans la conduite des affaires. Sa place est marquée dans le gouvernement du pays et elle est belle. Il va être nommé secrétaire d'ambassade dans une des grandes capitales de l'Europe. C'est un stage indispensable qui n'a d'autre objet que de respecter les usages. Avant peu, il sera chargé d'affaires puis ambassadeur. Sa femme aura certainement une charge à la cour. C'est non seulement le présent que vous assurez, mais c'est encore l'avenir. Votre petite-fille, aidée par la fortune de son père et son mari, portée par la faveur et par son propre mérite, vont fonder une famille puissante, qui sera une des premières de l'État. sa position sera des plus hautes, son nom sera des plus beaux, car vous n'ignorez pas que le nom de Saint-Austreberte appartient à la meilleure noblesse. Je ne m'inquiète pas du passé, mais seulement du présent. Et je sais qu'en ce moment, ce nom est porté par deux. Je sais ce que vous allez me dire, s'écria M. Iruberry de Cap-Verne en lui coupant la parole. La jeunesse du vicomte, n'est-ce pas, qui a été assez orageuse? Et qu'importe cela? Il n'y faut voir que l'emportement d'un tempérament ardent. Le mariage calmera cela. Le vicomte de Saint-Austreberte a tout ce qu'il faut pour faire un bon mari et un bon père de famille. Fléchissez donc, mon cher juge de paix, et voyez les avantages de cette union. Déjà, ils se sont affirmés. M. Daunis n'est-il pas député? Il sera probablement ministre du Commerce un jour. Quant à vous, ce sera une occasion de rendre enfin justice à vos longs services et d'attacher à votre boutonnière un ruban qui devrait s'y trouver depuis longtemps. Bien entendu, sans que vous ayez besoin de le demander officiellement, ce qui serait désagréable pour un homme tel que vous, et aussi sans que son obtention modifie en rien vos sentiments et vos opinions. « Ce que je vous demande, dit M. Hasimbert en se levant, c'est ma destitution, car à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que je pourrai pour combattre M. de Saint-Austreberte. Si je ne vous donne pas ma démission, c'est pour avoir l'honneur d'être révoqué. Monsieur le procureur général, je vous salue pour la dernière fois. » Et sans se retourner, il sortit, marchant à grands pas.